إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Tout le monde sait que la communauté musulmane a été secouée par des grands événements, surtout dernièrement. Et à la communauté musulmane maintenant de relever beaucoup de défis et de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que la cause de sa défaite est connue. Et la réponse est claire et ils peuvent se résumer par exemple dans le verset suivant. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « In tansurullaha » Yansurkum, si vous assistez Dieu, il vous assistera. Ou, selon une autre traduction, si vous faites triompher Allah, ou faites triompher la cause d'Allah, il vous fera triompher et raffermira vos pas, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat 47, dans le verset 7. Donc, si vous faites triompher Allah, si vous reconnaissez sa seigneurialité, sa divinité, ses noms et ses attributs, si vous croyez en Allah, en ses anges, en ses prophètes envoyés, en ses livres, en le destin, dans le bien et dans le mal, si vous l'aimez, si vous le craignez, si vous avez l'espoir en lui, si vous revenez à lui, si vous vous repentez, si vous l'invoquez, si vous appliquez ces lois, si vous faites correctement les obligations religieuses, si vous combattez dans sa voie, si vous vous écartez des péchés, il vous fera triompher. Telle est la règle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en résumé, si vous donnez réalité à la foi, à la vraie foi, il vous fera triompher. Si vous donnez réalité à l'Iman, donc c'est comme si vous avez triomphé la cause d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il vous soutiendra, il vous donnera, il vous fera triompher. Donc, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans un autre verset, « Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin » En vérité, Dieu ne modifie pas l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans surat, le tonnerre, surat al-Ra'd, dans le verset 11. Donc, en vérité, Dieu ne modifie pas l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. D'accord ? Tant qu'au lieu de croire en une certaine superpuissance, ils croient en lui. Au lieu d'aimer ses ennemis, ils doivent l'aimer. Au lieu de craindre ses ennemis, ils doivent le craindre lui, l'unique, subhanahu wa ta'ala. Au lieu de s'en remettre aux législations innovées, aux lois des autres, aux lois des créatures, ils doivent s'en remettre à la législation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Au lieu de combattre du côté des ennemis, ils doivent combattre avec les alliés d'Allah. Bref, au lieu de croire au Tarot, ils doivent se désavouer de lui. Donc c'est ça le verset. C'est toujours, on revient toujours à la notion de la foi, à la notion de l'Iman. Mais le problème, c'est que ces derniers temps, a refait surface une secte qui se réclame du salaf, qui se réclament appartenir aux pieux prédécesseurs, suivre les pieux prédécesseurs. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Est-ce qu'il est venu condamner les dérives de la communauté musulmane? Non, non, pas du tout. Où est-ce qu'il est venu dire, est-ce qu'il est venu pousser cette communauté à prendre la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala et de combattre dans le sentier d'Allah? Non. C'est ce qu'il est venu dire, que l'iman, que la foi est juste une reconnaissance de la vérité. C'est une adhésion du cœur, un tasdir du cœur et une parole de la bouche. L'iman, ce n'est que ça pour eux. Du moment que la personne reconnaît avec son cœur et il reconnaît avec son cœur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est véridique, il reconnaît les informations révélées par Allah subhanahu wa ta'ala et prononce les deux témoignages, il est sauvé de l'enfer. Et les actes alors, les obligations religieuses, ben pour eux, les obligations, les actes apparents ne sont qu'une condition de perfection de la foi. Ne sont que shart o kamal, les conditions de perfection. Ils ne sont pas inclus dans la foi. Mais juste lorsqu'on veut parfaire notre foi, on prie, on jeûne, etc. On fait les actes apparents. C'est comme s'ils disent à cette communauté qui sombre dans un sommeil profond, continue de dormir. De toute façon, il vous suffit de prononcer les deux shahadat, de croire au prophète, et vous allez y entrer en paix et en sécurité. Il se base sur des hadiths ambigus. Par exemple, le hadith, celui qui dit « La ilaha illallah, entrera au paradis, sortez de l'enfer, celui qui a un grain de moutarde de foi. » Et on va parler, inchallah, de ces hadiths-là. Donc, ils ont fait quoi? Ils ont fait la séparation entre l'iman, la foi, et l'acte, contrairement à ce que soutenaient les pieux prédécesseurs nos salafs. Donc, à l'instar de certains qui ont divisé le Coran, ils ont divisé la religion en une réalité intérieure et une réalité extérieure, l'instar des soufis, exotériques et ésotériques, à l'instar aussi de certains qui ont divisé le Coran et la traduction, un sens propre et un sens et en métaphore, une interprétation claire et une interprétation allégorique, tout comme certains ont divisé aussi la religion en jus et en épulsure, tout comme certains qui ont divisé la tradition du prophète en ce qui est rapporté par une seule chaîne de rapporteurs et des chaînes multiples de rapporteurs, tout comme ces gens-là, cette secte est venue dire, à l'instar des autres, séparer entre l'iman et l'acte, entre l'iman ou l'amal. Et ils ont dit leur parole emblématique, la yadurru ma'a sahhati l'imani tarku amal. La yadurru ma'a sahhati l'imani tarku amal. Ils ont dit que l'abandon de l'acte ne nuit pas à l'authenticité de la foi. Et cette doctrine qu'ils soutiennent, elle est très dangereuse parce que il pousse la communauté à commettre des abominations, parce que pour eux commettre des abominations, ça ne nuit pas à la foi. Et c'est comme s'ils disent au gouverneur, même si tu changes la loi d'Allah, tu as l'assurance du salut. Mais subhanallah, si cette personne ne fait pas d'acte salutaire, s'il ne fait pas d'acte de croyant, obligatoirement, il va faire des actes interdits. Celui qui ne suit pas la voie d'Allah, obligatoirement, il va suivre la voie du Satan. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, cependant, que de moi vous vienne une guidance, fa inna ya'tiyannakum minni huda, fa min ittaba'a hudaya, fa la yadillu wa la yashqa. Cependant, que de moi vous vienne une guidance. Quiconque suit ma guidance ne s'égare ni ne sera malheureux. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Il dira, oh mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais? Allah lui dira de même que nos enseignements t'étaient venus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es oublié. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Dans la sourate Taha, la sourate 20, verset 123 à 126. Donc il n'y a que deux voies, celui qui suit la guidance et celui qui ne la suit pas. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Suivez ce qui est descendu vers vous de votre Seigneur, ne suivez pas hors lui des protecteurs ou des walis. » Donc il n'y a que deux voies. Et dans un autre verset, ça c'est dans surat al-A'raf, la surat 7, le début de la surat al-A'raf, dans une autre surat, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ne vous ai-je pas engagé, enfant d'Adam, à ne pas adorer Satan, car il est vraiment votre ennemi déclaré. » Et à m'adorer, c'est la voie de rectitude. Dans Sourate 36, versets 60 et 61. Donc, soit l'adoration d'Allah, soit l'adoration de Satan. Il n'y a pas de juste milieu. D'accord? Il n'y a pas de juste milieu. Soit tu adores Allah, soit tu adores Satan. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans Kitab al-Ubudiyya, dans les pages 111 et 112, a dit, celui dont Dieu n'est pas son adoré et n'est pas l'aboutissement de son amour et de sa volonté, mais au contraire son orgueil l'a détourné de tout cela, aspirera irrémédiablement à un bien-aimé qui la servira en dehors de Dieu. Il devient ainsi serviteur de ces choses voulues et aimées de lui, ce peut être soit l'argent, soit le rang social, soit un beau visage ou corps, soit ce qu'on peut prendre comme divinité en dehors d'Allah, comme le soleil, la lune, les étoiles, les tombes, les prophètes, les walis, soit les anges ou les prophètes qu'on prenne comme seigneur et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Voilà, soit l'adoration d'Allah, soit autre chose, soit l'adoration d'autrui. Prophète sallam a dit renverser, soit le serviteur du dirham, renverser, soit le serviteur du dinar, renverser, soit le serviteur de l'étoffe à franges, katifa, renverser, soit le serviteur de la tunique à bordure, khamisa. Donc il n'existe pas quelqu'un qui ne fait rien. Il n'existe pas quelqu'un qui est debout, qui est inerte. Soit il avance, soit il recule, comme je l'ai dit lors du dors qui concerne la faiblesse et le relâchement du musulman. Donc ça, c'est une réalité, c'est une chose que vous devez connaître. Et donc, vous avez compris que je vais parler aujourd'hui de haqiqat l'iman, la réalité de l'iman. Beaucoup de frères, ils m'ont poussé à faire ce dars-là, et comme je vous ai promis, je vais vous l'exposer, inshallah, avec ce qu'Allah m'a donné comme science. Vous savez que le prophète sallam a annoncé que sa communauté, sa umma, se scindera en 73 firqa, groupes, qui tout irait en enfer à l'exception d'une seule. Et quand les compagnons ont dit au prophète sallam laquelle l'envoyé d'Allah, il a dit ce sont ceux qui suivent l'exemple que je lègue aujourd'hui avec mes compagnons. Et donc cette firqa, ce groupe sauvé, Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, il a dit c'est une firqa qui est sauvée des innovations et des passions dans ce monde et il sera sauvé de l'enfer dans l'au-delà. Et on va voir si ces gens-là qui soutiennent cette doctrine, à savoir que l'acte apparent est une condition de perfection de la foi et non une partie intégrante de la foi, on va voir s'ils sont sauvés de l'innovation. Et là, pour répondre à leur doctrine, pour répliquer, il y a une question qu'on peut poser. C'est quel est le statut de l'abandon de l'acte salutaire au sein de la première génération? Ou je vais formuler la question autrement, pour être plus clair. quel est le statut d'un homme qui a vécu l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui se réclame appartenir par le nom à l'islam et qui a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam prononcer les deux témoignages, mais il n'a fait aucune obligation. Il n'a pas évité, il n'a évité aucun péché. Il n'a pas jugé selon ce qu'Allah a fait descendre. Il ne prie pas, ne jeûne pas, ne s'acquitte pas de l'aumône, n'a pas fait le pèlerinage, ne s'allie pas avec les croyants, ne combat pas avec eux, n'ordonne pas le convenable, n'empêche pas le blâmable, ne participe pas aux œuvres avec les musulmans. Il n'a rien fait. Il a juste témoigné. La seule chose qu'il a faite, c'est qu'il a prononcé les deux shahadats. Est-ce que ce spécimen existe à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Vous vous soutenez qu'il existe. Certains, bon, qui sont tombés dans cette chouba, ils disent qu'il existe quelqu'un qui a témoigné. Il a témoigné les deux shahadats avec le cœur. Il a prononcé ces deux shahadats avec la langue, mais il n'a fait aucun acte salutaire. Ils disent qu'il existe ce spécimen-là et il va entrer au paradis. Maintenant, s'il existe, on va poser la question, est-ce que ce spécimen a existé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Mais sincèrement, on va se poser la question, est-ce que ce spécimen existe non pas parmi les croyants, mais est-ce qu'il existe parmi les hypocrites? La réponse est que ce spécimen qu'imagine ces gens-là n'existe pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'existe pas dans le Coran. Il n'existe pas quelqu'un qui a prononcé les shahadats, il a reconnu la véridicité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'a fait aucun acte salutaire. Allah subhanahu wa ta'ala, tout le monde lit sourate al-Baqara. Quand Allah il dit alif lam mim dhalika al-kitabu la rayba fih hudan lil muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Alif Lam Mim, voilà le livre ou l'écrit que nul doute n'entache en guidance à ceux qui veulent se prémunir, c'est-à-dire aux croyants. Ils croient au mystère ou ils croient au raïb, accomplissent la prière, font dépense sur notre attribution ou font la zakat. Ils croient à la descente sur toi opérée, à celle avant toi opérée, ils ont certitude, eux, de la vie dernière. Ceux-là suivent la guidance venue de leur Seigneur, ce sont eux les triomphants. Allah subhanahu wa ta'ala, au début de Surat al-Baqarah, il nous parle de la catégorie des croyants. Il nous dit, voilà, les croyants, ils croient au mystère, ils croient au ghaib, à l'inconnaissable, ils accomplissent la prière, ils font dépense sur notre attribution. Il croit à la descente, il croit ce qui a été descendu sur toi, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Il croit à ce qui a été descendu sur toi et ce qui a été descendu avant toi. وبالآخرة هم يوقنون. Et ils ont certitude de la vie dernière. Ceux-là suivent la guidance venue de leur Seigneur, ce sont eux les triomphants. Alors, catégorie des croyants, ils accomplissent, ils font l'acte apparent, ils accomplissent la prière, ils font dépense de l'attribution d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah il passe dans le verset, puis Allah il passe aux mécréants. Inna allazina kafaru sawa'un 'alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Quant à ceux qui dénient, égal pour eux que tu leur donnes l'alarme ou ne la donnes, ils ne croient pas. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Dieu leur a posé un sceau sur le cœur et sur l'ouïe, une taie sur les regards. Ils vont à un châtiment terrible. Donc ça c'est la catégorie de qui? C'est la catégorie des kuffars, des mécréants. Ils sont mécréants intérieurement, extérieurement. Ils manifestent leur mécréance. D'accord. Ça c'est la deuxième. Donc il a parlé au début de la sourate al-Baqarah. Il a parlé des croyants. Il a parlé des mécréants. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ wa ma hum bi mu'minin. Il s'en trouve parmi les gens qui disent, des gens qui disent, nous croyons en Dieu et au jour dernier, sans être pour cela des croyants. Qui sont ces gens-là? Ce sont les hypocrites. Nous croyons en Dieu au jour dernier, ils le disent, mais Allah il dit, ils ne sont pas des croyants. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Trahissant Dieu et ceux qui croient, ils ne trahissent qu'eux-mêmes et n'en ont pas conscience. Donc ça, c'est la catégorie des hypocrites. Donc croyant intérieurement, extérieurement, il fait la prière, il accomplit la prière, il donne l'argent, il dépense de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui attribue. Et la deuxième catégorie, la catégorie des mécréants qui sont mécréants intérieurement, extérieurement, et puis les hypocrites qui sont mécréants par le cœur, mais ils manifestent des actes apparents. Il n'y a que ces trois catégories. Donnez-moi cette quatrième catégorie. Est-ce qu'elle existe dans le Coran? Cette catégorie qui dit, qui prononce la shahada, qui reconnaît par le cœur, mais qui ne manifeste aucun acte extérieur. Donnez-moi un exemple, donnez-moi une preuve dans tout le Coran qui prouve que ce spécimen-là existe. Et le défi reste toujours relevé. L'imam Abu Bakr ibn Abi Shayba, il rapporte dans Kitab al-Iman, avec une chaîne de rapporteurs authentiques qui remonte à Abi Qilaba, le suiveur, le tabi'i, et que ce dernier a dit, l'homme envoyé par Mu'ad ibn Jabal à Ibn Mas'ud a dit à Ibn Mas'ud, cet homme-là, cet intermédiaire-là, a dit à Ibn Mas'ud, je te conjure, par le droit d'Allah, peux-tu me confirmer que les gens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient classés en trois catégories. Croyant intérieurement et extérieurement, mécréant intérieurement et extérieurement, et croyant en apparence, mécréant intérieurement. Et Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, a dit oui. Donc ce hadith, ce hasar, cette tradition est rapportée par Ibn Abi Shayba. Donc il n'existe pas cet homme qui n'a fait aucun acte salutaire, mais il est croyant intérieurement, ou bien mécréant extérieurement et croyant intérieurement. L'imam al-Khattabi, rahimahullah, a dit « قَدْ يَكُونُ الْمَرْءُ مُسْتَسْلِمًا فِي الظَّاهِرِ غَيْرَ مُنْقَادٍ فِي الْبَاطِنِ وَلَا يَكُونُ صَادِقَ الْبَاطِنِ غَيْرَ مُنْقَادٍ فِي الظَّاهِرِ » Imam, le grand imam, tous ces imams-là sont des imams du salaf, sont les pires prédécesseurs. On ne prend les arguments que des grands, que des pires prédécesseurs. Le Coran, la Sunna et la parole des compagnons et les pires prédécesseurs. L'imam Khattabi a dit, il se peut qu'une personne montre des actes de soumission sans être soumise intérieurement, sans croire intérieurement, à l'instar des hypocrites. Et il dit, mais jamais sincère intérieurement et non soumise en apparence. On ne peut jamais trouver quelqu'un qui croit à l'intérieur mais qui ne manifeste pas d'acte apparent. C'est pour cela que Ibn Taymiyyah rahimahullah il a blâmé farouchement l'expression qu'utilisent certains juristes pour celui qui a commis des actes de mécréance flagrants. Ils disent de lui mécréant en apparence, croyant intérieurement, et il l'a qualifié d'une des souillures de l'irja, une des souillures d'une secte égarée qui s'appelle Irja. Et on va parler de l'Irja. Et ça c'est rapporté dans Kitab al-Iman, la page 386, et dans Sarim al-Maslul, et dans l'Iman al-Awsat, et dans le septième volume de Majmu'at al-Fatawa. Chers frères, si on observe la vie des compagnons, les épreuves qu'ils ont endurées, la séquestration, le jihad, tout ce qu'ils ont fait, ils ne l'ont pas fait en le considérant comme des actes surrogatoires ou des actes supplémentaires ou juste pour parfaire l'imam. Wallahi, ils ont mené le jihad, ils ont enduré les épreuves, les peines, ils ont été séquestrés, ils ont suivi pas à pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont fait tout ça. Wallah, ils ne considéraient pas que ces actes qu'ils ont faits sont des actes juste pour parfaire l'iman. Mais tous ont été convaincus que ce qu'ils ont fait toute leur vie, toutes les œuvres salutaires qu'ils ont fait, c'était vraiment la réalité de l'iman et non pas juste pour parfaire, ils n'ont pas des actes qui sont une condition de perfection de la foi comme soutiennent ces gens-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a loués, il a dit qu'il donne ce qu'il donne, ou ce qu'il donne, Allah le dit dans Sourate 23, le verset 60, qu'il donne ce qu'ils peuvent donner, tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte qu'Allah n'accepte pas d'eux, et à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Ils ont tout fait, mais tout en ayant peur qu'Allah n'accepte pas leurs œuvres. Parce qu'ils croient que toutes les œuvres qu'ils ont faites sont la réalité de l'iman, sont elles-mêmes, sont l'équivalent de la foi, et non pas une condition de perfection comme soutiennent ces gens-là. Lorsque Abu Dharr, radiyallahu anhu, disait « Je préfère être un arbre qu'on coupera », comme ce que rapporte l'imam Ahmed dans son Musnad, et qu'on Masruq rapporte qu'un homme avait dit en présence d'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, « Je souhaite être parmi les rapprochés, al-muqarrabin, plutôt que les gens de la droite, l'yamin. » Il a dit « Moi, je souhaite être parmi les rapprochés de Dieu. » Et plutôt que d'être parmi les gens de la droite. C'est allusion au verset, si celui-ci est du nombre des rapprochés d'Allah, alors il aura du repos, de la grâce et un jardin de délices. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate 56. فَأَمَّنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحًا وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ النَّعِيمِ. Et Abdullah ibn Mas'ud a dit, mais il y a un homme qui espère, s'il meurt, il ne ressuscitera pas. Il désigne soi-même. Ils ont tout fait, et ils ont peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas d'eux. Contrairement à certains qui font les actes, ils ont dit « Moi je fais le djihad, je fais ça, la prière, c'est pour parfaire l'iman et je serai parmi les rapprochés de Dieu. » Cette tradition est rapportée par l'imam Ahmed et aussi dans Minhaj Sunna. Pareil pour Omar, Abdurrahman ibn Awf et les autres compagnons. Et on vient de parler maintenant de l'absence de ce spécimen qu'imagine ces gens-là, ces pseudo-salafis, à savoir croyant intérieurement sans faire d'actes salutaires apparents. Il n'existe pas ce spécimen-là. Et j'ai dit aussi, parce que la dernière fois, lors de la leçon sur la faiblesse de l'iman, j'ai donné une autre preuve, à savoir la classification qu'a donnée Allah subhanahu wa ta'ala sur des croyants. Et j'ai dit qu'il n'existe pas cette personne-là qui croit intérieurement sans manifester d'actes. Et j'ai dit que le minimum que peut être un croyant, c'est d'être unique envers soi-même. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Fatir, le verset 32, « Thumma awrathna al-kitab alladhina astafayna min ibadina » Bien plus, nous avons donné le livre en héritage à ceux que nous avons élus parmi nos adorateurs, c'est-à-dire les adorateurs qu'Allah a choisis. Qui sont ceux-là? Il dit à Allah subhanahu wa ta'ala, « فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ » Il en est en effet parmi eux d'iniques envers soi-même. Donc, voilà la première catégorie qui a hérité le livre et qui fait partie des adorateurs d'Allah. Il en est en effet parmi eux d'iniques envers soi-même. « وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ » D'autres tenant un juste milieu. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ لِلْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ D'autres enfin qui l'emportent par les œuvres de bien avec la permission de Dieu. C'est là la grâce insigne. Donc le minimum que peut être un adorateur de Dieu, c'est d'être unique envers soi-même. Et en deçà de celui-là, il n'est pas adorateur, il n'est pas croyant, il n'est pas musulman. D'accord ? Ibn Kathir, j'ai donné aussi l'explication, l'interprétation qu'a donné Ibn Kathir, le grand exégète, l'élève de Ibn Taymiyyah, il a dit « Zalimu li nafsi », il a dit « L'inique envers soi-même, le minimum que peut être un croyant, هو المفرط في بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرمات. Il a dit l'inique envers soi-même, c'est celui qui néglige certaines obligations. بعض, certaines obligations. Et je mets la parenthèse, pas toutes, certaines seulement. Parce que celui qui ne fait aucun acte salutaire ne rentre pas dans la catégorie des croyants. C'est celui qui néglige certaines obligations et commet certains actes illicites, certains interdits. Donc le minimum que peut être un croyant est celui qui commet certaines, qui néglige certaines obligations, pas toutes. Ça c'est aussi une preuve comme quoi ce spécimen n'existe pas dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'existe pas dans le Coran. D'accord. Je posais une autre question claire. Il n'existe pas. D'accord. Maintenant, la question est la suivante. S'il n'existe pas, est-ce qu'au moins l'idée existe à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pas comme doctrine, pas comme aqida, mais comme idée. L'idée, c'est-à-dire, est-ce que ça frôlait l'esprit de quelqu'un que l'iman est juste la reconnaissance de la véridicité et la prononciation du shahadat, et que l'acte ne fait pas partie de l'iman, ou que l'acte apparent n'est qu'une condition pour parfaire l'iman. On a besoin de l'acte juste pour parfaire, et non pas une condition d'authenticité de l'iman ou un pilier de l'iman. Est-ce que cette idée existe à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pour cela, on va s'arrêter à la bataille de Tabouk. Et là, j'invite les frères à étudier la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour en déduire la vraie réalité de l'iman. Entre autres leçons, c'est que la bataille de Tabouk, il a eu lieu à l'année 9 de l'Hégire, expédition menée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam contre les Byzantins, les Romains, et il fut appelé l'expédition pénible. Parce que cette époque était chaude, la sécheresse avait sévi, elle était plus qu'étouffante, et que d'ordinaire, il y avait aussi à cette saison beaucoup de fruits mûrs à récolter et à consommer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fit donner des ordres à la Mecque et aux tribus alliées pour que tout homme saint de corps qui possède les armes et les montures soit immédiatement envoyé à Médine en vue de la campagne de Tabouk, en vue de combattre. Grande épreuve pour les hypocrites. Ils vinrent trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils invoquèrent plusieurs prétextes. Les excuses qu'ils ont présentées, on sait, ceux qui ils n'ont pas la capacité de combattre. On sait que la sourate Bara'a, il a dévoilé et il a démenti toutes ces excuses-là et il a dévoilé les hypocrites. Ils ont dit, les hypocrites, ils n'ont pas la capacité de combattre. La wistata'na la kharajna ma'akum. Comme dit Allah dans le verset 9, dans le verset 42 de la sourate Bara'a, la sourate 9. Par Dieu, si nous avions pu, nous serions partis en campagne avec vous. Si nous avions pu, ils ont invoqué ce prétexte-là. Ils ont dit, ils ne sont pas capables. Et une autre excuse, ils ont dit qu'il fait très chaud. Et ils savent que lorsqu'il fait chaud, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam retarde la salade de Dhuhr jusqu'à ce qu'il fasse frais. Il retarde la salade de Dhuhr. Mais là, il s'agit de combattre. Donc, eux, ils ont dit, puisqu'il fait chaud, il faut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dispense. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 81, pas de mobilisation, disait-il, pendant les chaleurs. Qalou la tanfiru fil har. Il fait très chaud, comment se mobiliser alors qu'il fait très chaud? Ça, c'est une deuxième excuse. Comme autre excuse, c'est le fait de tomber dans un dommage qui risque de leur faire perdre la récompense du jihad, à savoir le fait d'être tenté par les femmes romaines. Comme a dit l'un d'eux, envoyé d'Allah, ne me dispenseras-tu pas, m'évitant ainsi la tentation par Dieu, les miens savent que je suis parmi eux le plus attiré par les femmes, et je crains de ne pas me retenir à la vue des femmes de Ben el Asfar, c'est-à-dire la vue des femmes romaines. C'est comme s'il dit, oh, envoyé d'Allah, je veux combattre avec toi, mais je suis très tenté par les femmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, parmi eux, il en est encore qui dit, donne-moi ta permission et épargne-moi la tentation. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 49, toujours de la sourate 9. Donne-moi, adhalli, wa la taftinni. Comme autre excuse, ils ont demandé au professeur sallam de les excuser comme il a excusé les faibles, les malades et ceux qui ne trouvent pas de quoi suffire à la dépense, etc., etc. Ils ont dit, laisse-nous avec ceux qui restent sur place. D'accord ? Ils ont invoqué toutes les excuses, ils ont vidé tout leur répertoire de mensonges pour que le professeur sallam les dispense. Seulement, et voilà où je veux en venir, c'est que personne parmi les hypocrites n'a osé dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, envoyé d'Allah, nous témoignons la ilaha illallah, nous croyons en toi, et le jihad est un acte salutaire, et les actes, comme tu nous as fait comprendre, sont une condition de perfection de l'iman, juste pour parfaire l'iman. Donc, le fait de ne pas aller avec toi ne nuira pas à notre iman. D'accord ? Il ne nuira pas en aucun cas à l'authenticité de notre foi. Ils n'ont pas invoqué cette excuse. Ils n'ont pas invoqué cette idée-là que soutiennent ces gens-là, cette secte-là. Et vous savez pourquoi ils n'ont pas dit ça ? Parce que les hypocrites savent que la foi réelle, vivante, à l'époque du prophète sallam, est qawlun wa amal, est parole et acte. Et les paroles et actes. Mais à ce prétexte-là, que même les hypocrites n'ont pas osé, n'ont pas eu l'audace d'invoquer devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils savent que c'est une aberration, c'est une excuse vaine, eh bien cette aberration-là est devenue la aqida de certains pseudo-salafis. Une doctrine en vertu de laquelle ils se font les amis des uns et se font les ennemis des autres. Soit ils imaginent un homme avec un bloc de pierre dans sa poitrine, enveloppé autour du tasdiq, enveloppé autour de la reconnaissance, ou bien un cœur humain avec toutes ses sensations, mais dans une statue. On peut imaginer, parce que ce qu'imaginent ces gens-là, c'est soit l'existence d'un être humain, mais il n'a pas un cœur. Il a une tombe. Il a un bloc de pierre. Et au sein de ce bloc-là, il y a le tasdir. Il y a la reconnaissance de la vérité. Sans que cette reconnaissance de vérité ne manifeste un amour quelconque, une crainte, une appréhension, une vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, il dit c'est un bloc. Boum. Aucun mouvement, aucun acte apparent qui donne réalité à ce tasdir, à cette reconnaissance de vérité. Ils disent, il existe cet homme-là, oui. Il reconnaît, mais il ne fait aucun acte. Il ne bouge pas, il ne réagit pas. Ou bien il pense que cet homme-là, c'est une statue qui ne bouge pas avec un cœur humain. Et les deux cas n'existent pas. Avant de parler de la secte qui a exclu les œuvres de la foi, et la condamnation farouche des pieux prédécesseurs, gens de la Sunna ou le Jama'a, et avant la condamnation de Salaf, et quand je parle de Salaf, je dis Salafiyya Shara'iyya, c'est-à-dire les vrais pieux prédécesseurs, et non pas ce phénomène nouveau, qui n'a rien à voir avec la voix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ni dans la doctrine, ni dans le comportement, mais alors le comportement c'est autre chose. Alors, je vais, avant de définir, de parler de cette secte-là, on va définir l'iman. Définition de l'iman. Ça, j'en ai parlé dans beaucoup de leçons, dans l'explication des trois principes fondamentaux, dans des leçons aussi de l'aqida, et dans la sira aussi, j'en ai parlé. Mais, brièvement, je vais parler de ça, de l'iman. Iman, c'est dire et agir. Clair. c'est parole et acte. Il monte avec l'obéissance et diminue avec les désobéissances. Parole du cœur et de la langue, acte du cœur et des membres, comme a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah. Parole du cœur, ça veut dire le tasdiq, la connaissance, la croyance, croyance en Allah, croyance en sa réalité, croyance en sa divinité, croyance aux piliers de l'islam, croyance aux les piliers de la foi, croyance, toutes les croire à tout ce qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la parole du cœur, c'est la reconnaissance de la vérité. La parole de la bouche, c'est l'attestation, le shahada, c'est... On peut y ajouter aussi le changement du mal par la bouche, l'ordre du convenable par la langue. L'acte du cœur, c'est l'amour, la vénération, les deux piliers. Le Cheikh Al-Azim, rahimahullah, il les définit, il dit « Wa rukna al-ibada wa ta'zim wa al-mahabba ». Il dit les deux piliers de l'adoration, les deux piliers de l'adoration sont l'amour et la vénération. Et parce que dans l'amour, bon, il y a l'espoir, dans la vénération, il y a la crainte, il y a l'appréhension, et les autres actes du cœur. C'est-à-dire, ils dérivent les autres actes, le tawakkul, la confiance en Allah, la vénération, l'appréhension, l'espoir, etc. Ils dérivent de l'amour ou de la vénération. Et les actes apparents, parole et actes, actes apparents, c'est-à-dire la prière, le jeûne, le jihad, etc. Et les preuves sont nombreuses. Comme preuve, les croyants sont ceux de qui le cœur s'effare, au moins rappel de Dieu, la foi grandit à la récitation des signes, de ces signes, de ces versets, et qui font confiance à leur Seigneur, qui accomplissent la prière et sur ceux que nous leur attribuons font dépense. Dans Sourate 8, les versets 2 et 3. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Les croyants sont ceux de qui le cœur s'effare au moindre rappel d'Allah. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Leur foi grandit à la récitation de ces versets. وعلى ربهم يتوكلون et qui font confiance à leur Seigneur. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون qui accomplissent la prière et sur ce que nous leur attribuons font dépense. Donc ça, il dit, voilà ce que doit être un croyant. Il croit intérieurement, le cœur s'effare, acte du cœur, et la foi elle grandit donc qu'elle monte, elle descend, la foi, et qui font confiance, donc c'est un autre acte du cœur, qui accomplissent la prière et sur ce que nous leur attribuons font dépense, c'est-à-dire les actes apparents. Et les croyants sont seulement ceux qui, dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, les croyants sont seulement ceux qui croient en Dieu et à son envoyé, bien mieux, ne doutent pas et font effort de leur bien et de leur personne sur le chemin de Dieu. Innama al-mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Voilà. Ils croient en Dieu et son envoyé, donc croyance intérieurement, parole et acte du cœur, ne doute pas, acte du cœur, parole du cœur, font l'effort de leur bien, donc ces actes apparents et de leur personne, de leur bien et de leur personne sur le chemin de Dieu, ça, c'est des actes apparents. Et le hadith aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la foi comporte 60 et quelques ramifications, la plus haute consiste à dire la ilaha illallah, donc la plus haute à prononcer, donc c'est une parole de la langue. La plus basse consiste à retirer de la route ce qui est nocif. Donc la plus basse consiste à retirer, c'est un acte apparent, un acte du corps, des membres. La pudeur est une des ramifications de la foi. Wal-haya'u shu'batun min al-iman. La pudeur, c'est un acte du corps. Ce hadith est rapporté par Muslim. Et dans les deux sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la délégation des Abd al-Qais, je vous ordonne la foi en Dieu. Je vous ordonne la foi en Dieu. Et puis il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, savez-vous ce qu'est la foi en Dieu? Savez-vous ce qu'est la foi en Dieu? Témoignez. Puis il a répondu, lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, témoignez la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, célébrez la prière, donnez l'aumône et acquittez le quinte de ce dont vous vous emparez. D'accord? Donc, il a dit que la foi consiste à prononcer les deux shahadat et à prier, etc. Donc, la foi, l'iman et l'islam sont la même chose. Et j'ai donné des preuves pour vous dire, pour soutenir la doctrine des gens de la sunna, c'est qu'il n'y a pas de séparation entre la foi et l'acte. L'imam Al-Awza'i, rahimahullah, le grand imam Al-Awza'i, il a dit le hadith déjà de Abd al-Qais que j'ai dit tout à l'heure, c'est un hadith rapporté par l'imam Bukhari. L'imam Al-Awza'i, maintenant la parole, les propos des salafs. Imam Al-Awza'i, il dit qala man mada min as-salafina la yufarriquna bayna al-iman wal-amal. Ceux qui nous ont